Force Ennemie, première partie, chapitre 4. J'ai été si préoccupée des idées de mes nouveaux amis et de la singulière prédiction concernant le docteur Bidôme que je ne sais trop par où Léonard m'a fait passer. J'entends, comme un rêve, manœuvrer encore des serrures et des verrous et me retrouve dans une cour un peu semblable à celle des Mahatmas, des bienheureux inconscients que mon gardien m'a prié de ne pas déranger dans leur trouble béatitude. Un peu moins de fleurs, peut-être, et des préaux plus négligemment balayés, voilà toute la différence. Ici encore, les internés se promènent le plus souvent par petits groupes. Ils sont, eux aussi, convenablement vêtus, ont, en général, l'air assez paisible. La plupart causent entre eux sans trop de gesticulation. Pourtant, on commence à deviner que, dans ces nouveaux parages, quelque chose d'étrange et d'inquiétant doit se manifester de temps à autre. Il y a déjà, ça et là, des figures un peu anormales. Qu'est-ce que je disais? Voici, trottinant prestement à nos côtés, le ventre et haut le pied, arrondissant la jambe, steppant comme un cheval turcoman, un vieux monsieur sec et menu, dont le visage rasé offre une trop grande ressemblance avec certaines têtes d'oiseaux. Il chantonne, tout en courant, un bizarre petit motif en mineur qu'il interrompt à chaque instant pour grogner des « poac, poac » nasillards dont l'effet sur mes nerfs ne se peut décrire. Dirais-je que les « poac, poac » semblent les racler? Ce sera complètement absurde. Et pourtant... Oh, celui-là, fait Léonard, qui s'aperçoit de mon pénible agacement. Faut pas vous en émotionner. Quand il est méchant, c'est comme un éléphant, rien de plus. On le couche quand ça dure trop longtemps et voilà tout. C'est un ancien maire de village qui était riche et qui a trop nocé. Il s'en allait s'amuser dans toutes les foires et au retour, quand il était éméché, il faisait monter des 3-4 filles dans sa voiture, vous me comprenez? Des fois, il débarquait celle-ci ou cet autre, sans précaution, sur un tas de cailloux, par exemple. Mais il en ramenait toujours au moins deux chez lui. Et quand on se dit qu'il a été 20 ans chargé des affaires de sa commune, lorsqu'on y a repensé, il paraît qu'on a raconté qu'il y avait pour le moins 5 ans qu'il n'y était plus. Mais on était habitué à lui, et des gens avaient intérêt à le garder comme maire. Ça fait qu'alors... Ah, le sacré père marical! Et c'était ça qui mariait le monde. Ça fait grémir. C'est un à part comme vous, dans le même pavillon, votre voisin de chambre. Marical repasse, en gambillant cette fois, comme un hanneton. Il a des yeux fixes, sans aucune expression, des yeux en col de pâte sale. Mais sa bouche grimace un sourire, que l'on dirait polisson et railleur. Pouac, pouac, pouac, pouac. Il est déjà loin. Un autre solitaire nous croise à 2 reprises. Celui-ci ressemble à un empereur romain retouché par Daumier. Son attitude est calme et hautaine. Il serait admirablement décoratif s'il pouvait renoncer à sa bizarre manie de mordre à belles dents un chiffon de drap qu'il extrait toutes les 2 minutes de la poche de son pantalon. Léonard barnumise. C'est un ancien clérical, enfin un mauvais curé de vicaire, qui était plus jésuite qu'un archevêché. Ah, on l'a défroqué malgré lui, ça lui change son type. Il s'était mis dans la tête qu'il était l'antéchrist. Ça fait qu'alors il fumait la pipe dans les cimetières et qu'il dansait sur les tombes en bouffant son mouchoir quand il lâchait son brûle-gueule. Ça vous a semblé drôle, est-ce pas? On a enquêté et on a trouvé qu'il avait une collection de petits squelettes en fil de fer dans une malle. Alors qu'il a dit comme ça, « En ma qualité d'antéchrist, je révise le jugement dernier le 23 de chaque mois, et il me faut des Maccabées. » Oh, ça fit pas un pli, on l'emballa pour ici, d'autant plus qu'on a su qu'un dimanche, il avait poussé des clés de blaireau dans l'église, tandis que le vrai curé prêchait, et qu'il s'était mis à dégoiser des tas de cochoncetés pour empêcher son patron de parler. Que des fois aussi, il se cachait dans les derrières de portes pour faire peur aux vieilles bigotes. Ce fut moi qu'on envoya le chercher. Il n'était pas commode, et je fus forcé de le s'aérailler. Léonard prononce « s'aérailler », mais je comprends trop bien la valeur de ce verbe à terminaison turco-bosniaque. C'est comme si une vilaine petite bise froide me glaçait le crâne et agitait mes cheveux. Et l'homme aux yeux pâles reprend. Mais ce qu'il en a ballotté de mouchoirs une fois chez le père Froin, ça ruinait l'administration, qui est moins généreuse que le docteur, car le bonhomme, il est malheureusement sous la coupe de cormoranditaire, arrangé en manière de société, qui raconte. Ça fait qu'alors, il y a eu un gardien qui s'est avisé de coller à Marengo, l'ancien vicaire, des bouts de vieilles culottes et de gilets à mâcher. Ça lui produit le même effet, et l'économe ne goile plus. Par exemple, il est méchant celui-là, des fois comme un gros madère. C'est Hanseuse qu'a cette maladie noire que je vous disais. Il a trop fait le mariole avec ses histoires d'antéchrist. Léonard, auriez-vous habité Paris? Vous employez parfois des expressions singulières dans la bouche d'un autochtone des environs de Dieppe. Maccabée, ça n'a pas fait un pli, goualé, mariole, etc., etc. Sans votre harmonieux accent du cru, je vous prendrai à certains moments pour un Bellevillois ou un Charonnais. Je suis été sur le point de me marier avec une gardienne de l'autre bâtiment qui était une Parisienne de Clichy-le-Valois, où ses parents étaient établis, qu'elle disait, dans la peau de lapin. Les choses étaient avancées, très avancées. Il fait claquer sa langue et prend un air de fatuité ingénue. Sûrement qu'elle s'est tirée des pieds avec un torcheur de vaisselle qu'avait volé l'économe, même qu'on les a jamais repincés. Et puis, c'est comme un sort. Chaque fois qu'il y a un Parisien ici, c'est moi qui en suis chargé. On apprend des mots comme ça, vous savez. Ça fait qu'alors, ça vous reste. Je suis sûr que monsieur, qui est par là aussi, m'enseignera de ses raisons sans le vouloir. Et c'est pas les plus jolies que je retiendrai. Flatté de votre bonne opinion. Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est que celui-là? Un vieil homme couvert, en dépit de la chaleur, d'un gros par-dessus en cheviotte, coiffé d'une espèce de fez en fourrure grisâtre, s'est approché d'une fenêtre dont il a empoigné les barreaux et se met à danser lourdement sur place, comme l'ours du jardin des plantes, en poussant des grognements tantôt sourds, tantôt tonitruants. C'est Martin, à s'y méprendre. Ça, c'est le père Mabir, un ancien notaire, bien qu'il ait du mal à lever le pied. J'espère pour la jeune personne de Clichy-le-Valois que cette médiocre facétie n'est pas d'elle. Mais au moment où je vais demander à Léonard quelques renseignements complémentaires sur le père Mabir, un bruit de galop dérange mes idées. Je me retourne et aperçois un bonhomme de type vraiment ignoble qui s'arrête court. La nature l'a gratifié de petits yeux de gorée, clignotants et féroces, d'un large nez flaireur dans chaque narine duquel on introduirait aisément une forte noisette, d'un teint violet mat, si l'on peut ainsi dire, et d'une grosse et répugnante moustache de phoque. Il est nimbé d'une casquette plate, vêtu d'un complet ou blidois, sur lequel une blouse bleue, déboutonnée du haut, toute raide et luisante d'après, fait cloche. En galopant, il traînait un petit chariot joujou, au bout d'une ficelle dont une extrémité s'enroule autour d'un énorme pouce tordu et noir d'être velu. Un instant interdit, quand il a vu qu'on l'observait, il se remet bientôt et repart, cette fois au pas, en donnant des secousses à la ficelle, comme s'il conduisait par le bridon un cheval rétif. Tout en marchant, il hurle plutôt qu'il ne chante, sur un air qui remémore à la fois l'immortel motif « Voilà le raccommodeur de faïence et de purcelaine, non ?» et cette autre excellente mélodie « Rempailleux de chaises, rempailleux de chaises !» mais dont le rythme est plus accéléré. « En avant les petits lapins, les choux, les trompettes, mon père s'est pendu !» Ah, voici Jean Jouillon, le prophète, qui reprend sa tournée. Il en a des manies, cet animal-là. Le maintenant, il se figure qu'il est un sale gosse qui rigole dans les rues avec sa petite voiture. Le tout à l'heure, qu'il est ambulant en légumes, en basse-cour ou en bibelotterie. Une autre fois, qu'il est un saltimbanque, affligé de prophéties. On m'a dit qu'il avait professionné de camelot, de marchand de quatre saisons, et même de gymnasiarque et de débitant de boniment dans les foires. Le voilà qui rapplique, méfiez-vous. Il a la sacrée maladie de vous fiche des coups de pied dans le cul, sauf votre respect, quand on ne fait pas attention à ses manières. À moi, ça m'est arrivé, même une fois, devant une dame en visite, que j'en étais salement humiliée. Oh, à chaque récidive, je l'ai saïraille, ce qui s'appelle saïraille. Eh bien, il recommence quand il peut. Il prétend qu'il tient cela de son père, celui qui serait pendu, s'il faudrait croire sa rengaine. Comme pour illustrer les paroles de Léonard, Jean Jouillon s'approche sournoisement de mon gardien et, après une feinte, lui porte à l'endroit désigné une botte, par bonheur assez lestement parée. « Attends un peu, je vais te régaler !» clangore Léonard. Le prophète saltimbanque, fruitier, ambulant, camelot, déçu mais prudent, fait l'étonné. Sa figure revêt une expression de bonté si phénoménale, si invraisemblablement surhumaine, qu'un saint lui-même le prendrait en grippe et le reconnaîtrait du premier coup d'œil pour un incurable mauvais drôle. Il tient absolument à nous donner le change. « Qu'est-ce qui te prend donc, mon vieux Léonard ? » fait-il avec onction. « Tu croyais que j'allais t'en envoyer un ? Non, non, c'est plus dans mes jeux. Je voulais seulement te donner une petite séance, ainsi qu'à ce monsieur qui est ton ami. Tiens, regarde un peu. V'là le transport sacré qui me travaille. » Il s'étale sur le sol, puis se tortille comme un ver. Un peu de bave lui vient aux lèvres. Il rauque. « Nom de nom ! Vous le voyez-il, prophète ? Le bougre de prophète ? Je vais vous le dire, le présent, le passé, le futur, et le reste. Je vous prédis pour 1859. Nous sommes en 1897. La bataille de Solferino, Palostro, Palicrao et tout le tremblement. Suis-tu bon prophète ? Je me suis-tu trompé ? Ça s'est-il pas passé, comme j'ai dit ? Tenez, je vais vous la faire, moi, la bataille de Solferino. » Il se relève, galope un instant autour de nous qui ne le perdons pas de l'œil. Il râle d'une voix d'alcoolique. « Je suis MacMahon, Bolivar, Garibaldi et tous les gars du coup d'État. Devant moi, il y a l'Autrichien, l'Orlandais et Stoclic en général. Derrière moi, mes troupes, que c'est dressé comme du chien caniche. À ma gauche, mon artillerie. À ma droite, la gloire et l'étoile de l'honneur. Vive la République et l'Empereur. En avant les bonnets à poil et les chasses d'affes. En levant la tour Malakoff et le palais d'été. Ça y est, c'est pas plus long que ça, à la baïonnette. Jamais truqué avec nous. Gornadier, je suis content de vous, tas de veaux. Corps un peu de canon et de mitraille pour dissiper les derniers vertiges de la cosaquerie. Poum, assez à présent, il n'y en a plus. Le français est grand et généreux. Il épargne toujours les morts. Je leur pardonne à tous et je les décore comme tous mes régiments. Sommes tous des frères. Il n'y a rien comme de se coller un coup de torchon pour s'aimer après. Maintenant, il n'y a plus de morts. Je vous ressuscite tous. Amnistie. Tous dans les bras les uns des autres. ou je vous fous à l'hosto. V'là ce que c'est que la guerre, l'école du sentiment et de l'héroïsme. Ah, lâche Kabyle, tu me craches un pruneau. » Il retombe. « Fourrez-moi ça au silo avant que j'agonise, on le fusillera après. Je meurs. Mais heureusement que v'là badingué qui m'apporte la croix de l'instruction publique, enrichi de diamants, le bâton de gros major et ce qui s'ensuit, dans un grand coffret d'oie de capitonné. Il frotte ça sur un pan de son paletot pour que ça reluise. Il pleure. J'ai reçu une larme d'empereur dans la narine. Je meurs content. Vive la France! Quick! Ah, ça y est, puisque j'ai dit quick! » Jean Jouillon a mimé toute sa grotesque bataille et ce qui s'ensuit. Il a caracolé en chargeant à la baïonnette et même en escaladant la tour Malakoff. Il a manœuvré les canons, protégé de son corps les ennemis abattus, décoré ses régiments et les Cosaques, autrichiens et autres, embrassé tout le monde, reçu le coffret, récuré les brillants, baisé la main de l'empereur. Il est enfin mort, ce n'est pas trop tôt. Nous nous éloignons tranquillement, car Jean Jouillon semble moins leste à se relever. Mais nous n'avons pas fait 10 pas que Léonard bondit comme lancé par une catapulte et s'empoigne le rable à 2 mains. « Le sagouin a visé juste cette fois » beugle-t-il. Et mon gardien se jette à la poursuite du prophète. Mais ce dernier a pris une avance considérable. Et, tandis que Léonard, fort piteux, revient vers moi, découragé mais non pacifié, se frottant rageusement l'hémisphère contus, le fâcheux Jean Jouillon caracole de plus belle de l'autre côté de la cour. Le char Joujou danse furieusement au bout de la ficelle, et l'ex-camelot, acrobate et marchand des 4 saisons, vocifère une nouvelle romance. Pois vert, rutabaga, guano frais, chiens en sucre, v'là le marchand de gras double, mon père s'est pendu.